Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Question 38. Du mot don attribué au Saint-Esprit. Que le mot don est un nom de personne qui désigne le Saint-Esprit. 1. Le mot don peut-il être un nom de personne en Dieu? Le mot don emporte l'idée d'une chose qui peut être donnée, et cette chose, à son tour, suppose un rapport avec celui qui donne et avec celui à qui elle est donnée. Or, une personne divine peut appartenir à quelqu'un de deux manières, d'abord par l'origine, comme le Fils au Père, ensuite par la possession. Il est clair que la créature raisonnable, qui peut seule s'unir à Dieu, peut seule aussi posséder une personne divine. Elle y parvient quand elle est tellement rendue participante du Verbe divin et de l'esprit d'amour qu'elle connaît Dieu véritablement et l'aime avec droiture. Mais comme cette possession, qui consiste à jouir librement d'une personne divine et à user de ses faveurs, ne peut nous venir que d'en haut, il s'ensuit qu'une personne divine peut être donnée et être conséquemment un don. 2. Le mot don est-il un nom propre du Saint-Esprit? Le mot don, appliqué à une personne divine, forme un nom propre du Saint-Esprit. Cela se conçoit. Tout don procède de l'amour, et la première chose que nous donnons est l'amour même par lequel nous désirons le bien de notre ami. Puis que l'Esprit Saint procède comme amour, il procède avec la nature de premier don. C'est là ce qui fait dire à saint Augustin, les dons qui sont partagés aux membres de Jésus-Christ leur viennent du don, qui est l'Esprit Saint. S'il semble à quelques-uns que le mot don convient au Fils aussi bien qu'au Saint-Esprit, qu'ils considèrent que, comme le Fils porte proprement le nom d'image, bien que le Saint-Esprit aussi soit semblable au Père, de même, le Saint-Esprit, parce qu'il procède comme amour, s'appelle proprement don, quoique le Fils nous soit aussi donné, et, en effet, quand le Fils est donné, c'est encore l'amour du Père qui nous le donne. Suivant cette parole, Dieu a aimé le monde jusqu'à donner son Fils unique. Jean 3,16. Note. Le Saint-Esprit est appelé, dans l'Écriture et par les Pères, don de Dieu, don du Dieu très haut. Ainsi s'exprime l'hymne de la Pentecôte. Fin de la note. Markendanarchive.org 2020. Extrait du tome 1er. D'après Books Google FR. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial. Partage à l'identique.